بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل في هذه السلسلة في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله On continue cette série dans l'explication du livre عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي قال الفاس ميزيريكورد وقد وصلنا إلى باب الجمعة. On essaie d'arriver au sous-chapitre concernant الجمعة. ويقال كذلك, on peut aussi dire الجمعة. Et donc الجمعة ou alors الجمعة. وهذه الصلاة أي صلاة الجمعة هي واجبة. Min wajibati ad-din. Cette prière, la prière du Jumu'a, est une prière obligatoire parmi les obligations de notre religion. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmi al-Jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel de la prière est fait le jour du vendredi, alors allez à l'accomplissement, allez donc pour le rappel. Dhikrillah, allez donc pour écouter le rappel d'Allah et délaisser le commerce. Fa'amara Allah Ta'ala bis-sa'yi ila hadha dhikr wa huwa al-jumu'ah. Allah Ta'ala, il a incité, il a appelé, il a ordonné à écoutez ce rappel qui est le Jumu'a. Wal murad bi sa'yi huna laysa huwa al musara'a. Le terme as-sa'y, ce n'est pas le fait de se précipiter pour aller donc au Jumu'a. Innama al murad huwa at-tahqiq. Wa at-tahaqquq afwan. Ce qui est voulu ici par as-sa'y, c'est le fait d'accomplir cet acte d'adoration, de le faire correctement. C'est pas le fait de se précipiter pour aller l'accomplir. Comme cela a été cité dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ سَعْيَهَا. Celui qui veut l'au-delà et qui fait les causes allant dans ce sens. سَعَ سَعْيَهَا. Ce qui est voulu ici, c'est le fait de faire les causes, d'accomplir les actes nécessaires. C'est pas le fait de se précipiter. Et donc le terme est سَعْي, il va avoir plusieurs sens. Ici, c'est le fait d'accomplir l'acte d'adoration correctement. فالله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالحضور إلى هذه الصلاة صلاة الجمعة. Allah il a ordonné aux croyants d'assister à cette prière, la prière du Jumu'a. Et il leur a ordonné de délaisser ce qu'ils font, wadarul bay', et délaisser le commerce. Ils doivent donc délaisser ce qu'ils font pour aller assister à cette prière obligatoire. Wal amru kama ta'rifun yaqtadi al-wujub. Et certes, l'ordre venant d'Allah, venant de son messager, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, l'ordre dans la législation implique une obligation. L'ordre dans la législation va impliquer une obligation. Et donc cette prière, elle est obligatoire. Wa akhraja muslimun fi sahihihi an ibn Umar radiyallahu anhuma wa abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal layantahiyan aqwamun an wad'ihim aljum'at أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. L'imam muslim a cité dans son recueil, selon Ibn Umar et Abi Hurayrata radiallahu anhum, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certains vont arrêter de délaisser les jumu'at. Ils vont arrêter de délaisser le Jumu'at. Et donc que certains arrêtent de délaisser les Jumu'at, les prières du vendredi. Ou alors Allah va recouvrir leur cœur. Allah va fermer leur cœur. Ils seront couverts et fermés. Puis, ils seront après cela, donc, ils seront après cela insouciants. Rafim, ils seront après cela insouciants. La yahummuhu ahammul umur. Les choses les plus importantes ne seront pas importantes pour lui, parce qu'il sera insouciant. فهذا يدل أيها الإخوة على أهمية هذه الصلاة. Et cela nous montre, oh mes frères, l'importance de cette prière. Et qu'elle est obligatoire. Et qu'elle est obligatoire. Et que le croyant, il doit faire les efforts nécessaires en fonction de sa capacité pour accomplir cette prière. Pour accomplir cette prière. Bien entendu, là on parle du croyant qui est dans un endroit où il y a une prière du Jumu'ah qui est faite. Mais si il est dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, et que la mosquée elle est loin, alors à ce moment-là, les savants citent la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum, craignez Allah en fonction de vos capacités. L'ordre dans la législation musulmane est toujours lié à la capacité. Tu es dans un endroit, il n'y a pas de mosquée, tu ne peux pas prier. Et donc à ce moment-là, tu ne rentres pas dans cette obligation. Tu ne rentres pas dans cette obligation parce que tu ne fais pas partie de ceux qui ont la capacité. Wa akhraja muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah. L'imam Muslim a cité dans son recueil As-Sahih, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous sommes les derniers, mais les premiers au jour de la résurrection. Les derniers, la dernière communauté, les derniers à être venus. Mais par contre, le jour de la résurrection, nous sommes les premiers à être ressuscités. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. Et nous sommes les premiers à rentrer au paradis. Il continue, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes les premiers à rentrer au paradis, sauf que eux, le livre leur a été donné avant nous. وأوتيناه من بعدهم. Et le livre nous a été donné après eux. فاختلفوا فهدانا الله تعالى لما اختلفوا فيه من الحق. Alors ils ont divergé. Les juifs, les chrétiens, ils ont divergé concernant ce jour important. Ce jour dans la semaine qui est si important, ils ont divergé. Et Allah Ta'ala nous a guidés, nous, dans cette divergence qu'ils ont eue concernant la vérité. فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اِخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَنَ اللَّهُ لَهُ. Et donc ceci est le jour, leur jour sur lequel ils ont divergé. Allah nous a guidés, nous, vers celui-ci. Cela est spécifique à la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait que Allah il nous a guidés vers la connaissance de ce jour, le jour du vendredi. يوم الجمعة, le jour du vendredi. فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. Et donc aujourd'hui, ce jour est pour nous, le vendredi. Demain, c'est pour les juifs, السبت, samedi. وبعد غد, après demain, dimanche, c'est pour les chrétiens. فَهَذَا الْيَوْمَ عَظِيمُ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ. Donc ce jour, le jour du Jumu'ah, il est grandiose, mes frères. وَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ. Et c'est un jour de Eid, un jour de fête pour les musulmans. وَفِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ. Et c'est le jour durant lequel Allah, tabaraka wa ta'ala, a créé Adam. ولذلك لا يجوز للمسلم تخصيص يوم الجمعة بالصيام. Et c'est pour cela, pour le caractère grandiose de ce jour, le caractère important de celui-ci, qu'il n'est pas permis aux musulmans de choisir le jour du vendredi de façon spécifique pour jeûner. Wa fi yawmi al-jumu'ah sa'atun yustajabu fihi ad-du'a aw fiha ad-du'a. Il y a durant le jour du vendredi un instant, un moment durant lequel l'invocation est exaucée. Wa fi hadha al-yawm al-ikthar min as-salati 'ala an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam. Et durant ce jour, il est recommandé, yustahab, il est recommandé de faire beaucoup d'invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse ses éloges. Wa fihi taqumu as-sa'ah. Et c'est durant ce jour-là que la fin des temps arrivera. C'est durant ce jour-là que la fin des temps arrivera. As-sa'ah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous cite le premier hadith de ce sous-chapitre, il dit an Abi Hurayra radiyallahu anhu qal kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah. وهل أتى على الإنسان فالسنة أن يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. Ensuite, l'auteur qui nous cite le premier hadith, il dit selon Abi Huraira رضي الله عنه, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم récitait durant la prière du Fajr le vendredi Alif Lam Mim Tanzil As-Sajda et aussi Hal Ata Ala Al-Insan. Et donc, en se basant sur ce hadith, Ayyu Al-Ikhwa, on comprend que la Sunnah, c'est que le jour du vendredi, le Fajr du vendredi, et qu'il soit récité lors de la première unité de prière du Fajr. Après le Fatiha, on récite As-Sajda. Et dans la deuxième unité de prière, on récite Surat Al-Insan. Wa ja'a hadha al-hadith aydan 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et ce hadith, il a été aussi rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Wa zada fihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الثانية. Et certes, ce même hadith, comme je l'ai dit, il a été cité par Ibn Abbas radiallahu anhuma. Ibn Abbas, il dit donc qu'il a fait un rajout dans lequel il stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait durant la prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah, là c'est pas le Fajr. Durant la prière du vendredi, la première unité de prière, il récitait avec Surat al-Jumu'ah. Et la deuxième unité de prière, Al-Munafiqoun. Al-Munafiqoun. Wa dhakara ibn al-Qayyim rahimahullah min hikami qira'ati hatayn as-suratayn fil Fajr يوم الجمعة قال إنهما اشتملتا على ذكر خلق الإنسان والحشر والميعاد فيسمع المسلم هذا الذكر فيستفيد منه. ابن القيم رحمه الله il a cité une des sagesses quant au fait que l'imam il va réciter ces deux sourates, donc As-Sajda et Al-Insan, dans la prière du Fajr le jour du vendredi. Wa alaykoum salam wa barakatou. Il a cité donc que parmi les sagesses de cela, il y a le fait que ces deux sourates, elles contiennent le rappel sur la création de l'être humain. ainsi que la résurrection et le jugement. Et donc l'être humain, il va entendre ce rappel. Il va entendre ce rappel et en bénéficier, en tirer profit, incha'Allah ta'ala. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah, il cite le deuxième hadith et il dit « An Sahl ibn Sa'd ibn Sa'idi » قال فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي. Et donc, juste pour finir, on lit le hadith. Donc, le deuxième hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah. Donc, selon Sahl ibn Sa'd ibn Sa'idi, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le takbir alors qu'il était sur le mimbar. Et les gens, ils ont fait le takbir derrière lui. Les gens, ils ont fait le takbir derrière lui. Donc, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était sur le mimbar le jour, donc, du vendredi. Et ensuite, il est descendu, al-Kahkara, c'est-à-dire qu'il est descendu du mimbar en faisant marche arrière. Il est descendu du mimbar en faisant marche arrière, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est prosterné au pied du mimbar. Puis il est retourné. Il est retourné, il a fait la même chose jusqu'à ce qu'il ait fini sa prière. Et ensuite, il s'est tourné vers les gens et il a dit « Ô homme !» Certes, j'ai fait cela afin que vous puissiez me suivre et afin que vous connaissiez ma salat, ma prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a ordonné de prier, comme il nous l'a montré, comme on l'a vu prier. Et donc, l'explication de ce hadith, inshallah ta'ala, demain, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayra.